Igan hastian, ospitaleko zuzendaiak berria plazaratu zian. Etzerako zaski mediku amategia zeratuko zela abentu hogeian, eta horren ordez haurdunen segitzeko zentro bat plantan ezaiko zela. Oloroneko amategia baliatzen di ASP, IBAR eta SIBROkoek, eta berehun bat sortze programatuik bada urte undareko. Ginekologo eskaza bada eta hiutan hoita hamar urte dutu azkenak eta hunek ustendue belana urte undarian. Egoera hola izanez, Oloroneko herriko etxiak begain hartu du medikoen xerkatzia auzapezaen ustez afea ezta trinkatia. Hervé Luc Berrey. C'est juste l'avis d'une commission consultative à Bordeaux qui a dit « En l'état actuel de la maternité d'Oloron, et si les choses n'évoluent pas d'ici la fin de l'année, nous ne pourrons pas maintenir l'autorisation d'exploitation. » Ça veut donc dire qu'il y a un avis, mais pas une décision du directeur de l'Agence régionale de santé. Hospitaleko zuzendaiak gaizak argitu nahi izan dutu. Estiala beak erabakitzen amategian zeratzia, ARS edo Osagarri Agentzian abisu bat diala hunek jarraikitzen. Valérie Friot-Guichard, zuzendaia. Écoutez, moi je prends acte de ce qu'il y a dans le communiqué de presse de l'ARS de ce jour, hein, concernant la maternité de Oloron, et dans lequel je lis que l'Agence régionale de santé constate que les conditions ne sont pas requises pour maintenir l'activité et propose de créer un centre périnatal de proximité. Beustez, 2006-etik ahalako eginik izan dia medikoen jinazteko, ez da beste elkibideik, ez ditu nahie emaztiek lantzeian ezaie.